Lettre 48e de la nouvelle littérature française, des romans du style romantique, M. d'Arlincourt, M. de Chateaubriand, Shakespeare, Sir Walter Scott. Les Français connaissent la littérature moderne de l'Angleterre mieux que les Anglais ne connaissent celle de la France. Nous avons passé hier la soirée dans une réunion peu nombreuse où l'on n'a ni dansé, ni fait de la musique, ni joué, ni, ce qui est bien plus étonnant, dit un seul mot sur la politique. Et cependant, cette soirée était l'une des plus agréables que j'ai passées depuis que je suis à Paris. La conversation roula tout entière sur des sujets littéraires, sans cependant que la réunion offrît la moindre prétention académique. Le tour que prit la conversation fut l'effet d'un pur accident. Et le hasard aurait pu faire que nous eussions parlé de tableaux, de musique, de rochers et de rivières aussi bien que de livres. Mais le sort en ayant ainsi décidé, le résultat en fut que nous eûmes le plaisir d'entendre trois Français et deux Françaises s'entretenir pendant 3 heures de la littérature de leur pays. Je ne prétends pas dire qu'aucune autre personne ne prit la parole, mais les frais de la conversation furent certainement faits par 5 nationaux. Un de ces messieurs, qui était en même temps l'homme le plus âgé de la société, se montra plus tolérant envers la race actuelle de romanciers français qu'aucune autre personne de son âge et de sa classe que j'ai encore rencontrée. Toutefois, son approbation n'alla qu'à déclarer que, selon lui, la méthode actuelle de suivre avec un microscope la nature humaine dans les recoins où la passion et même le vice peuvent la conduire, devait faire de meilleurs romanciers que la mode précédente, qui consistait à tout regarder à travers un verre grossissant, s'efforçant de faire paraître grand ce qui en réalité est petit. L'auteur que cette personne cita pour établir la vérité de sa proposition fut le vicomte d'Arlincourt. Il pensait qu'on ne devait pas le regarder comme l'exagération de cette école, mais comme sa perfection. « Je me rappelle, dit-il, d'avoir vu au Louvre, il y a plusieurs années, un portrait en pied de cet auteur qui m'offrit, à ce qu'il me parut dans le temps, un type parfait de ce que l'on appelle en France le style romantique. Il se tenait debout sur un rocher qui s'élevait au-dessus d'un précipice. Son œil semblait inspiré. Il tenait à la main des tablettes. À ses pieds, un torrent roulait, ses eaux troubles, pendant que lui, calme et sublime, non point dans le simple appareil d'une jeune beauté qu'on arrache au sommeil, mais comme un merveilleux qui vient de s'arracher d'un salon à la mode pour aller méditer sur la sauvage majesté de la nature, augmentée par l'effet de la tempête et de la solitude. Il était en habit noir, en bas de soie, aux chaussons de bal. Ce serait inutilement que j'essaierais de vous donner une idée plus juste de sa manière d'écrire que je ne vous présente la seule composition de ce tableau. C'est en vain que M. le Vicomte se place au milieu de rochers et de cataractes. Il est, et sera toujours M. le Vicomte, et ses bas de soie et ses chaussons de bal seront toujours visibles au milieu de l'écume des torrents dont il s'entoure. Ce n'est pourtant pas M. d'Arlincourt, dit M. le C, qui eut l'honneur, ou, si vous voulez, la honte, d'être l'inventeur du style romantique. C'est un bien plus grand homme que lui, M. de Chateaubriand, le premier, rompit les barrières de la littérature classique et permit à son imagination de figurer au milieu de tous les objets qui peuplent le ciel et la terre. Du moins, dit le troisième interlocuteur, vous ne pouvez pas l'accuser d'avoir suivi en habit bourgeois la course vagabonde de son imagination. Son style peut être parfois extravagant, mais n'est jamais ridicule. M. de Chateaubriand possède réellement ce que M. d'Arlincourt affecte d'avoir, c'est-à-dire une imagination poétique et féconde, et une richesse d'images qui, par leur richesse même, le fait parfois tomber dans le mauvais goût. Mais rien, dans son éloquence, n'est forcé ni contraire à la nature. Or, c'est réellement de l'éloquence, quoiqu'une imagination plus tranquille et un jugement plus sévère l'eussent pu retenir dans des bornes plus raisonnables. Malgré tout ce que l'on peut dire contre son goût, M. de Chateaubriand est un grand homme, et son nom vivra parmi les écrivains de la France. Mais le ciel nous préserve d'en dire autant de ses imitateurs. Et que le ciel nous préserve aussi d'en dire autant de l'école qui leur a succédé, ajouta Mme V, vieille femme délicieuse, qui porte ses propres cheveux blancs et qui ne valse point. J'ai ri quelquefois, et quelquefois bâillé en lisant les ouvrages de l'école de M. d'Arlincourt, mais j'ai constamment éprouvé à la fois du dégoût et de l'indignation, en parcourant ceux écrits dans ce style romantique qui les a remplacés. Constamment, dit le vieux monsieur d'un ton interrogatif. « Oui, constamment, car si j'y découvre quelques symptômes de talent, je les déplore et m'effraie du mal qui en peut résulter. Je ne puis supporter de voir cette puissance de l'esprit, le plus beau don du ciel, si honteusement perverti, qu'il me semble que le Dieu si bon auquel nous le devons doit se repentir de nous l'avoir accordé. « Ma chère dame, dit le défenseur de ce que Goethe appelle si justement la littérature du désespoir, il ne faut pas que vous renversiez tout l'édifice parce que vous y trouvez des défauts par-ci par-là. Le but que se propose aujourd'hui nos romanciers est sans doute de peindre les hommes tels qu'ils sont. S'ils l'atteignent, il me semble que leurs travaux ne peuvent manquer d'être à la fois intéressants et utiles. « Chanson, chanson !» s'écria vivement la vieille femme. « Avant que les hommes ne parviennent à peindre d'une manière profitable la nature humaine, il faut qu'ils la voient telle qu'elle est réellement, et non pas telle qu'elle le paraît à ces misérables dans leurs baraques et leurs greniers. Nous n'avons rien de commun avec les scènes qu'ils décrivent, et à leur tour, ils n'ont rien de commun avec la littérature. » « Auriez-vous les œuvres de Bernardin de Saint-Pierre, ma chère ?» ajouta-t-elle en s'adressant à la maîtresse de la maison. Le petit volume ayant été pris dans une chiffonnière placée derrière nous, elle y chercha l'endroit qu'elle voulait citer, et l'ayant trouvé, elle nous dit que le passage qu'elle allait lire paraissait indiquer le vrai but de la littérature. Voici ce passage. « Les lettres sont une science du ciel. Ce sont des rayons de cette sagesse qui gouverne l'univers, que l'homme, inspiré par un œil céleste, a appris à fixer sur la terre. Elles excluent les passions, elles répriment les vices. Elles excitent les vertus par les exemples augustes des gens de bien qu'elles célèbrent et dont elles nous présentent les images toujours honorées. « Eh bien, a-t-il raison, ce Bernardin de Saint-Pierre » dit-elle, en posant ses lunettes et en regardant autour d'elle. Chacun de nous admira ce passage. « Dites-moi, » continua-t-elle en fixant les yeux d'un air triomphant sur le défenseur des romans modernes. « Est-ce l'usage que vos romanciers font de la littérature ?»« Pas précisément, » répondit-il en riant. « Ou du moins, pas toujours. Mais je pourrais vous montrer des passages dans Michel Raymond. »« Bah !» s'écria la vieille dame en l'interrompant. « Je crois que c'est Champfort qui dit qu'un sot qui a un moment d'esprit étonne et scandalise comme des chevaux de fiacre au galop. » « Je n'aime pas ces secousses inattendues de sublimité. Elles m'étonnent plus qu'elles ne me plaisent. » La conversation tomba ensuite sur Shakespeare et sur le mal. Ce fut le terme dont on se servit, sur le mal que son exemple et l'admiration passionnée de ses ouvrages avaient fait à la pureté classique de la littérature française. On ne se borna pourtant pas à critiquer cette phrase, mais, à la vraie manière des Français, on la tourna complètement en ridicule. On déclara hautement que le mot de classique était trop rococo, quoique l'on pût encore s'en servir, et l'on ajouta que si Shakespeare était défectueux comme modèle, c'était seulement parce qu'il était trop grand pour pouvoir être imité. J'avouerai pourtant que je ne suis pas parfaitement convaincu de la sincérité de cet arrêt, et cela parce que dans le nombre des Français qui se trouvaient présents, il n'y en avait qu'un seul qui eut la prétention de le connaître autrement que par le moyen des traductions. Or, quoique Ducis ait déployé un grand talent dans la manière dont il a rendu certains passages, nous savons tous que pour juger Shakespeare, l'Othello italien est presque aussi utile que le Hamlet français. Je suis sûr, toutefois, que c'est bien sincèrement que tout le monde exprima une haute vénération pour notre illustre poète, la vieille dame ayant remarqué, avec beaucoup de raison, que des étrangers devaient s'en rapporter à cet égard au jugement des compatriotes, seule règle qu'il put suivre pour fixer le rang qu'un poète devait tenir parmi ses confrères en Apollon. On fit après cela quelques observations fort justes et applicables à tout autre qu'à Shakespeare sur le danger de mêler ensemble la tragédie et la comédie, puisque le résultat pouvait malheureusement devenir parfaitement ridicule, tandis que si la fusion était faite avec l'art le plus merveilleux qui se puisse imaginer, tout ce que l'on pourrait en définitive espérer d'en voir sortir serait ce monstre prodigieux qu'on appelle mélodrame. Quand on eut ainsi réglé que notre Shakespeare avait seul le droit d'être aussi régulier qu'il lui plaisait, mais que tout autre écrivain devait se garder de suivre ses traces, on se mit à examiner et à comparer les divers mérites de plusieurs poètes et romanciers dont je n'avais jamais auparavant entendu prononcer le nom. Aussi cette partie de la conversation demeura-t-elle assez obscure pour moi et j'essaierai vainement de vous en rendre compte. Un ou deux de ces romanciers furent cités comme ayant imité avec succès le style et la manière de Sir Walter Scott, et quand j'entendis faire cette assertion, j'avouerai que je ne fus pas fâché de pouvoir alléguer une ignorance complète de leurs noms et de leurs ouvrages, pour me dispenser de dire mon avis. Car ayant peut-être manifesté un peu de chaleur nationale en parlant de Shakespeare, j'aurais été fâché de me lancer dans une nouvelle tirade en faveur de Sir Walter Scott, ce que j'aurais eu apparemment de la peine à éviter si j'avais su quels étaient les romans que l'on osait comparer aux siens. Je ne sais pas bien expliquer d'où il vient qu'en général les Parisiens sont beaucoup mieux au fait de notre littérature étrangère que nous ne le sommes de la leur. Cette circonstance est d'autant plus extraordinaire qu'il est incontestable que pour un Français qui lit l'anglais, il y a au moins 10 Anglais qui lisent le français. Il est toutefois impossible de nier le fait. Je suis sûr d'avoir entendu, depuis que je suis ici, les noms d'une trentaine d'auteurs au moins, de l'existence desquels ni moi, ni les gens de lettres de ma connaissance, n'avions le plus léger soupçon, quoique nous nous considérions comme tout à fait au courant de ce qui se passe sous ce rapport, n'ayant jamais manqué une occasion de lire tous les livres français qui nous sont tombés sous la main, ni de consulter avec soin le Foreign Quarterly Review. Sur l'observation que je fis de cette différence entre nous, une personne de la société remarqua qu'elle provenait peut-être de ce qu'un ouvrage qui obtenait quelque succès en Angleterre n'échappait à une réimpression sur le continent, c'est-à-dire à Paris ou à Bruxelles. Quoique cela ne se fasse que comme une spéculation de commerce, pour engager les Anglais qui voyagent d'acheter ici pour 4 francs un ouvrage qui leur coûterait 30 shillings chez eux, le résultat actuel de cette manœuvre n'en est pas moins que les noms des ouvrages anglais sont généralement connus ici, même avant qu'ils ne soient traduits. Plusieurs de nos femmes auteurs sont presque aussi connues en France qu'elles le sont en Angleterre. J'ai eu la satisfaction d'entendre citer Miss Mitford avec enthousiasme, et une dame m'a dit qu'à juger de sa personne d'après ses ouvrages, il n'y avait pas d'auteur vivant dont elle désira autant faire la connaissance. Miss Laddon est aussi fort connue et fort admirée. Madame Tastu m'a dit avoir traduit plusieurs de ses poèmes dont elle faisait le plus grand cas. En un mot, la littérature et les gens de lettres de l'Angleterre sont maintenant accueillis en France avec une grande hospitalité. On me fit hier au soir d'innombrables questions au sujet de plusieurs livres et de plusieurs personnes dont je fus fort étonné d'apprendre que la renommée avait traversé la Manche. Et après avoir donné tous les renseignements que j'étais en état de fournir, je commençai à faire à mon tour des questions, et j'appris une foule d'anecdotes et de détails qui me furent communiqués avec ce tour épigrammatique dans lequel les Français excellent. Plusieurs des petits ridicules dont nous avons coutume de nous moquer chez nous paraissent exister ici sous la même forme, malgré la critique légère à laquelle ils sont exposés. Tel est, entre autres, l'art de tirer le plus grand parti possible d'une petite dose d'esprit au moyen de petites lignes et de grands points. Cet art n'est pas exercé seulement en Angleterre. Témoin, un passage qu'on m'a fait voir dans un roman nouveau de Madame Émile Girardin, ci-devant Mademoiselle Delphine Gay. Je vais vous le donner tel qu'il est imprimé, et je pense qu'après cela, vous avouerez que nos voisines ne sont pas moins versées que nous dans ce petit charlatanisme littéraire. Pensez-vous qu'Arthur voulait revoir Mademoiselle de Sommery? Non. Au lieu de l'aimer, il la détestait. Oui, il la détestait. Je crois notre passion pour ce qui est neuf assez forte. Mais si ce que l'on m'a appris hier au soir sur les faits, que cet impérieux besoin n'a point été exagéré par la gaieté de la société dans laquelle je me trouvais, il faut convenir que nous pouvons passer pour supporter les vieilleries avec une patience exemplaire en comparaison des Français. Ils ont même, pour exprimer ce besoin, une phrase qui l'a pas mieux que je ne pourrais le faire, dussé-je mettre ma mémoire à la torture pour transcrire toute la conversation de mes aimables amis d'hier au soir. Il nous faut, disent-ils, du nouveau, n'en fût-il plus au monde. Nous sommes enchantés quand nous rencontrons un nouvel air ou un nouveau joueur de violon, un nouveau livre ou un nouveau prédicateur. Nous en sommes enchantés, dis-je, mais pour les Parisiens c'est un besoin indispensable. Se réunir et n'avoir rien de nouveau pour alimenter la causette, autant vaudrait rester chez soi. Du reste, ce besoin remonte pour le moins au siècle de Molière, celui qu'inspirait Madelon quand elle dit avec tant d'énergie à Mascarille qu'elle lui serait obligée de la dernière obligation s'il voulait lui apprendre journellement les choses qu'il faut savoir de nécessité et qui sont de l'essence d'un bel esprit. Car, comme elle ajoute avec raison, c'est là ce qui nous fait valoir dans les compagnies. Et si l'on ignore ces choses, je ne donnerai pas un clou de tout l'esprit qu'on peut avoir. Pendant ce temps, sa cousine Catos rend témoignage à cette même vérité par la déclaration suivante. « Pour moi, j'aurais toutes les hontes du monde s'il fallait qu'on vînt me demander si j'aurais vu quelque chose que je n'aurais pas vu. » Je ne conçois pas comment il se fait que des gens qui passent si peu de temps de la journée loin de vos yeux trouvent moyen de connaître ainsi tout ce qui a été écrit ou fait dans toutes les parties du monde. Personne ici ne paraît jamais ignorant sur quelque sujet que ce soit. Est-ce du tact ou bien de l'instruction, une instruction véritable, profonde, sur toutes sortes de sujets? J'imagine que ce n'est ni l'un ni l'autre, et qu'il y a un grand nombre de circonstances qui se réunissent tant pour répandre si généralement ces connaissances que pour donner de la rapidité à la manière de les recevoir et de l'éclat à celle de les communiquer. Ce qu'il y a du moins de certain, c'est que quand les Français savent quelque chose, ils en tirent le meilleur parti possible. Et quoique l'on puisse soupçonner que leurs connaissances sont plus variées que profondes, il est impossible de ne pas avouer que la manière dont un Français vous fait part de ce qu'il sait est particulièrement aimable, gracieuse et exempte de pédantisme.